Pacte Dutreil et augmentation de capital. Il faut rappeler que les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un pacte Dutreil, sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de succession-donation à concurrence des trois quarts de leur valeur, sans limitation de montant. Ainsi, le pacte Dutreil est réputé acquis lorsque les titres transmis détenus depuis au moins 2 ans ont été émis lors d'une augmentation de capital par incorporation de réserve. Il faut savoir qu'en l'absence d'engagement pris avant la transmission par décès et faute de pouvoir bénéficier du régime du réputé acquis, l'engagement collectif de conservation peut encore être conclu dans les 6 mois du décès par un ou des héritiers ou légataires entre eux ou avec d'autres associés, engagement post-mortem.